de palabre, j'ai sortir de la pénombre. Si bien trop d'ambiance macabre, face des succombes, face des métiers incapables, pas là pour la gloire. Quand le système t'accable, on veut bien manger, bien boire, pouvoir se mettre à table également. Sans pour autant se manger de concombre, j'ai mal à l'âge, j'ai mal à l'aise. Dans le vice, trop jeune, il tombe pas de mon parallèle. Y'a trop de moutons dans les matchs, on dans l'hexagone. C'est les cartons qui les boucles, tous les matchs où exécrables. C'est le oui, j'ai nous pas de maître de cérémonie. Mon couple agressif de 55 de chez Lamo. Il suggère un monnaie politique de gauche, malhonnête. Les chats pantalonnés par des boucs qui nous prennent pour des marionnettes. On lâche la chose qu'il faut, écoute la basse. À la base, on dira un gun qui shoot. Représente ceux qui trouvent qu'on la présente. Sur un son qui pète, crois pas qu'on se bat dans le zèf. À la dame qui chote, sortez des tranches et des caves et des halls. Chacun sa gamme, à ce qu'on bouge pas, tu du pétrole. Chacun sa vie, chacun son but, chacun son vice. CC, me A, 7, j'ai tout alcool. Sortez des tranches et des caves et des halls. Parce que la bébière a fait pour les gens des sous-sols. Chacun son choix, chacun son but, chacun sa loi. Certains préfèrent aider leurs prochains jusqu'à ce qu'ils décollent. Ma patrie, vos belles dans ce pays, tu plaides à 5 piges parties pour nos pays impérissés. Les aimants l'appellent par millions pour une histoire de bifton. Des hommes, des armées, des guerres pour du pognon, y'a trop de corruption. On leur fait mal comme un coup de bac, fou de paramine. Bête de pète, même si je vois coupé à la parafine. Moi, j'ai aussi un bon bac à lâche, couplé avec une carabine. Je respecte toutes les meufs, donc c'est pas bien en carabine. C'est la mangrove, la base pose sur l'instru, on part tous. Demande MEHD, l'HD aussi, d'ici on se part tous. Les soldats, c'est la guerre, même si c'est des gardes. Toujours aux aguets pour esquiver les embuscades. Sans support, on lâche une ambiance. Polytechnique, bis, revendicatif, un sous-clash. Comique léger, pour les pépettes, on baisse pas nos slips. Comme autre, on héberge à la politique, manipule, polémique, m'épuise, pour le fire. Sortez des tranches et des caves et des halls. Chacun sa gamme, à ce qu'on bouge pas, que tu fais du troll. Chacun sa vie, chacun son but, chacun son vice. CC, me A, 7, j'ai trop alcool. Sortez des tranches et des caves et des halls. On avait bien fait pour les gens des sous-sols. Chacun son choix, chacun son but, chacun sa loi. Certains préfèrent aider leurs prochains jusqu'à ce qu'ils décollent. Quoi de choses, ils sont crades, de vrais tirailleurs, de haut calage, de corps. Des bombes de phase, on est trailleurs. Chez nous, pas de déserteurs, sans piste, on est des broyeurs. On est du cœur, on passe tout pour nos sous. On est ailleurs, la plupart d'entre traîtres. Bête d'investigation qui sont et abattent les traîtres. Génération flinguée, vélélé, on souffre en grec, on compte pas faire. La queue le jeu d'atteindre notre plus vivant, même avant la traite. L'état, on s'insurge, tant que d'un jour on veut du bien, on pense pas mal. Du marginal, on sourcit, pour le bien, on rend pas plein de soucis. À l'officier, au fond, une mère pleure pour son fils, arrive au ciel. On tend pas, on sent la merde, on ne rôle pas, on trompe pas. Face à l'état, nous on rentre pas. Peace, première unité de combat contre ce système qui se prend pour le combat. Sortez des tranches et des caves et des halls. Chacun sa gamme, est-ce qu'on bouge pas comme du pétrole. Chacun sa vie, chacun son but, chacun son vice. CC, me A, 7, j'ai tout alcool. Sortez des tranches et des caves et des halls. Parce que la bière a fait pour les gens des sous-sols. Chacun son choix, chacun son but, chacun sa loi. Certains préfèrent aider leurs prochains jusqu'à ce qu'ils décollent.